Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Que fait le maire ? Une série de Martine Abbat réalisée par Assia Khalid et Julie Béressi. Au départ de cette série, il y a l'envie de comprendre en quoi consiste la fonction de maire et pourquoi il démissionne de plus en plus. Il y a aussi l'idée d'explorer tous les territoires, de voir comment ils sont administrés et puis comprendre comment on peut réinventer une politique municipale pour vivre collectivement la transition énergétique. Alors pour commencer, les personnages. Le maire et son deuxième mandat, des élus qui consultent, des maires bénévoles et surmenés, le maire manager, convaincu et un ancien cadre de santé. Ensuite, le décor. Les Hautes-Alpes, la Ligue protectrice des oiseaux, des pins plantés ensemble, le ski, l'écologie pour tous, une société d'économie mixte, de l'énergie solaire, de l'hydroélectricité, du dénivelé, un chantier participatif, des terres agricoles, des chalets, des cartes géographiques, des plans et une vieille charte médiévale. Aujourd'hui, troisième épisode, on part en balade. On prend les voitures. Pour ceux qui connaissent, on va aller se garer après le hameau des Combes, il y a un parking. Donc on se gare là. Nous, on va aller directement jusqu'à l'entrée de la réserve qui est un tout petit peu après pour emmener tout le matériel. Et donc voilà, à partir de là, vous prenez vos affaires, sac à dos, chaussures, tout ce qu'il vous faut. Et on se retrouve à l'entrée de la réserve pour faire le point sur le pourquoi on est là et comment est-ce qu'on va s'y prendre. C'est un matin d'octobre après la pluie dans le village du Puy-Saint-André, 500 habitants dans les Hautes-Alpes, près de Briançon. Ce village est l'un des 5 qui constituent le domaine skiable de Serre-Chevalier. C'est une commune plutôt riche. Le maire, Pierre Leroy, aujourd'hui sans étiquette, a lancé avec la Ligue pour la protection des oiseaux une grande opération de plantation de 3000 pins cimbraux dans la réserve naturelle régionale des Parcias, située sur le territoire de sa commune. L'opération coûte 30 000 euros, financée par la commune, la région et la Caisse des dépôts et consignations. Bon, je pourrais peut-être en prendre deux quand même. Ouais, c'est ce que je me dis. Que fait le maire ? Aujourd'hui, le Puy-Saint-André, un maire dans la transition écologique. Martine Abbat, Assia Khalid. Alors ça, c'est la vallée de la Durance, en fait, qui naît à Montgenèvre. La Durance naît à Montgenèvre, dans la montagne, sur la station. Et puis la Durance descend jusque dans le sud. Donc là, on domine la vallée de la Durance, en fait. Le sud est là. Ouais, exactement. Donc nous, on est plein sud. D'où l'intérêt sur les énergies. Pierre Leroy, maire du Puy-Saint-André. La commune, elle est un peu bizarre. Elle commence à 1200 mètres d'altitude et elle termine à 3000 mètres d'altitude. Donc 1,8 km vertical, c'est entre le bas et le haut. Donc c'est très particulier. Et en plus, elle est en deux parties, dans le sens où il n'y a pas de route entre le bas et le haut du village. Par contre, il y a tous les chemins. Il y a 250 habitants en bas et 250 habitants en haut. Il n'y a pas de route directe au sein de la commune. Il faut passer par deux autres communes pour pouvoir... C'est ça qui est un peu particulier. Et à pied, il faut combien de temps ? À pied, par les chemins, il y en a pour une demi-heure, trois quarts d'heure. Quoi. Là, on est dans la partie basse, ici ? Non, on est au milieu. Parce qu'en bas, il y a 250 habitants. Ici, il y en a 200. Au-dessus, il y en a 50. Par contre, en termes d'altitude, on n'est pas au milieu, parce que là, on est à 1550 mètres. Le bas de la commune est à 1200 et le haut est à 3000. Mais là où les habitants, c'est des chamois, c'est des marmottes, c'est pas tout à fait les mêmes habitants. Et vous, Pierre Leroy, ça fait combien de temps que vous êtes maire ? 2008. Donc vous en êtes à votre... deuxième mandat. On en est à la moitié du deuxième mandat, en fait. Et pourquoi vous avez eu envie, vous, de briguer ce mandat ? Alors moi, je suis militant, déjà. Et donc, oui, ça fait une trentaine d'années que je milite dans des associations, que je militais dans un parti politique, que je m'intéresse à tout ce qui concerne la transition écologique, à tout ce qui concerne les pollutions en général. Et au bout d'un moment, il y a une sorte de frustration d'être toujours dans un combat contre. Et donc, vient un moment donné où on se dit, on va passer le pas et puis peut-être on va être élu. Ça va permettre de tester le pouvoir de faire. Est-ce que réellement les élus ont le pouvoir de faire? C'est pas évident comme question. Et donc, on a voulu se confronter à cette affaire-là. Donc, en 2007, on s'est réuni un certain nombre de personnes. On a travaillé sur qu'est-ce qu'on voulait que Puy-Saint-André demain devienne. Donc, pendant 9 mois, on a travaillé ensemble. Puis finalement, on a décidé de se présenter aux élections. On a été élus au premier tour. Donc, c'était entre habitants ici du Puy-Saint-André? Oui, tout à fait. Et donc, on a construit le village de demain dans notre tête, quoi. Enfin, on l'a écrit en particulier. Et puis finalement, c'est ce qui a servi de base lors des élections. Ça a été finalement le programme aux élections. Donc, vous avez été élu? On a été élu au premier tour. On a dû faire 65% des voix, entre 60 et 70% des voix chacun. Vous avez été réélu en 2014. Voilà. Là, par contre, on a fait entre 80 et 87% des voix lors des élections de 2014. Et donc, lorsque vous êtes arrivé, que vous avez été élu la première fois, qu'est-ce que ça a été votre première décision? Alors, la première chose, c'était que nous avions dit aux habitants que la première chose qu'on ferait, c'est de savoir ce qu'ils veulent. Donc, en fait, on a construit un questionnaire qui s'est adressé à tous les habitants. Mais quand je dis à tous les habitants, c'est aux enfants de 5 ans aussi. Et puis, on a distribué des boîtes dans tous les quartiers où les gens pouvaient rendre ce questionnaire. Et donc, on a eu beaucoup de réponses, pas des choses exceptionnelles, beaucoup de choses qui confortaient ce pourquoi nous avions été élus, très peu de choses originales. Si, il y avait une petite fille qui a demandé à avoir un marchand de glace sur la place du village le mercredi. Sinon, aussi, il y avait les préoccupations du quotidien sur le déneigement, qui est pour nous quelque chose d'important, sur le fleurissement du village, sur ces choses-là. Donc, on a collecté ces questionnaires les premiers mois. Ça, c'était la première action que nous avons mis en place. Dans le questionnaire, c'était des ambiances qui ressortaient sur le fait de faire ensemble. Les gens voulaient aussi qu'il y ait plus de convivialité, qu'il y ait plus de faire ensemble, qu'il y ait plus d'événements festifs, etc. Et nous, du coup, on a épluché tout ça et on a essayé de voir, de mieux sentir la population qui nous entoure. Ces réponses vous ont étonné, Ça nous a conforté dans ce pourquoi on avait envie d'être élu. En particulier, par exemple, sur l'énergie, où finalement, une des premières actions, ça a été de réunir les habitants en leur disant, voilà, le conseil municipal souhaite que l'énergie soit publique, citoyenne, renouvelable et locale. Et c'est à partir de là qu'est née la Sève. Donc, c'était la seule société d'économie mixte en France qui associait une collectivité et des habitants. Donc, cette société, elle s'appelle comment ? Sève. Soleil, eau, vent, énergie. On a créé cet outil. Ça a pris un petit peu de temps, mais ça devait être courant 2009. On a créé cette société qui est une toute petite société locale, pour le coup. Parce que la commune, comme c'était une société d'économie mixte, dans les SEM, en fait, les collectivités ont 51% des parts. À l'origine, la commune avait 51% des parts. Donc, tout simple, on a mis 51 000 euros. Et on a dit aux habitants, il reste 49 000 euros pour vous. Et donc, il y a à peu près une quarantaine de familles qui ont pris une action. Et puis, il y a eu des entreprises qui se sont rapprochées, en particulier l'ancienne régie de production d'électricité de la ville de Briançon, qui est venue nous voir en disant, mais qu'est-ce que vous faites? Ils ont demandé si c'était possible de rentrer au capital. On leur a dit oui. Et donc, on a créé cette société avec 100 000 euros de capital social. Et ensuite, étant donné les résultats qui étaient très, très, très positifs de la Sève, on a distribué des dividendes quand même 3 années de suite. Quoi. Pour une société, ce n'est pas classique. Une société qui démarre et qui, tous les ans, distribue des dividendes aux actionnaires, ça fait ouvrir les yeux automatiquement. Et donc, à partir de là, on a ouvert le capital et la communauté de communes du Briançonnais, donc 13 communes du territoire, est rentrée au capital. Puis d'autres communes qui ne sont pas dans notre communauté de communes qui sont rentrées au capital, puis d'autres entreprises, puis d'autres citoyens. Et là, on est passé à un capital social de 870 000 euros. Donc là, la Sève continue son chemin. Aujourd'hui, on a 16 centrales photovoltaïques reliées au réseau. C'est une toute petite société, mais voilà, c'est une petite société qui est née dans une toute petite commune. Et on a un chiffre d'affaires de 170 000 euros. Et donc finalement, comment ça marche en fait, cette énergie que vous produisez? C'est du solaire, c'est ça? On a plein d'atouts, vous l'avez vu, on est plein sud. On est, Briançon est réputée pour être la ville la plus ensoleillée de France, 300 jours de soleil par an. Et donc c'est là, pour le coup, c'est très intéressant de produire de l'énergie chez nous. C'est très efficace et très rentable de produire de l'énergie chez nous. Solaire, en tout cas. Solaire, voilà. Solaire thermique, capter de la chaleur, et solaire photovoltaïque, capter de l'électricité. Ensuite, on a du dénivelé. Le dénivelé, c'est de la chute. Et donc ce dénivelé, et je pense que d'ailleurs, ça serait intéressant d'aller beaucoup plus loin, on l'exploite à travers l'hydroélectricité. Donc l'eau descend, on turbine l'eau, on produit de l'électricité avec. Et donc on va assez loin dans cette affaire, c'est-à-dire qu'on turbine aussi les réseaux d'eau potable. Donc l'eau qui coule au robinet, vous faites de l'énergie avec. Là, pour le coup, c'est très intéressant parce que les impacts environnementaux sont beaucoup plus faibles que l'hydroélectricité classique et ça fonctionne. Donc là, en ce moment, on est sur une piste sous laquelle il y a, là, on va voir la bouche là, qui est juste là, il y a le canal. En fait, dans le Briançonnais, il y a des canaux qui ont entre 500... Voilà, c'est ça. Voilà. On l'entend là. Les canaux dans le Briançonnais ont entre 500 et 1500 ans. Ça servait à cultiver le territoire. Donc là, on est devant le secteur qui est utilisé par le maraîcher en permaculture, qui a été sélectionné par la commune. Mine de rien, là, on est à 1600 mètres d'altitude. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut tout prévoir préalablement. Donc il faut de l'eau, il faut de la bonne terre, il faut de l'ensoleillement, il faut que le PLU permette de construire des serres. Il faut un certain nombre de choses. L'objectif global, c'est d'arriver à une autonomie énergétique du territoire. Donc il y a trois piliers. Le premier pilier, c'est la sobriété énergétique, puis l'efficacité énergétique, et enfin la production d'énergie renouvelable. Donc on travaille sur ces trois piliers-là. Par exemple, les services municipaux ont baissé de 30% leur consommation d'énergie. Donc ça, et on a communiqué là-dessus aussi auprès des habitants. Comment vous avez fait ? Eh bien, on a travaillé sur le chauffage, sur l'éclairage, sur etc. On a été chercher toutes les pistes. Tous les bâtiments publics depuis Saint-André, à la fin du mandat, auront été réhabilités avec de l'isolation par l'extérieur, changement d'huisserie, etc. On est ici nous confrontés directement à la problématique du changement climatique, qui est globale. La transition écologique, elle est indispensable, elle est transversale, elle touche tous les domaines. Et donc, toutes les actions que nous avons menées sur ce village, c'est dans cet axe-là. Donc, on a travaillé sur tous les sujets de la transition, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur les transports, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur l'agriculture et les circuits courts, que ce soit... Donc, tous ces sujets-là étaient notre préoccupation d'équipe. Donc, en fait, c'est ce qu'on a essayé de développer au fur et à mesure des années, depuis une dizaine d'années. Donc, on a eu des résultats, en effet, qui nous ont permis, après, de communiquer, voire de polliniser les voisins, d'essayer de faire que les communes environnantes et la communauté de communes, puis après le pays, Grand Briançonnais, rentrent dans cette dynamique, parce qu'on est des territoires qui sont terriblement impactés. Mais alors comment? Donnez-nous des exemples. Alors déjà, il y a la problématique des stations de ski. Donc ça, on le sait en France, hein, au-delà du fait qu'il y a une baisse de la fréquentation des stations, aujourd'hui sans enneigement artificiel, mais carrément, c'est plus possible. C'est évident aujourd'hui qu'il faut de l'enneigement artificiel sur les stations. Donc ça a quand même changé. Et même avec l'enneigement artificiel aujourd'hui, on a des élévations de température qui font qu'à certaines périodes, on ne peut même pas fabriquer de la neige artificielle. Donc on a un vrai problème climatique dans nos stations qui impacte l'économie locale de façon importante. Il faut qu'on puisse arriver, et nous en particulier les élus, à organiser le territoire afin que les populations puissent faire preuve de résilience et supporter les traumatismes qui risquent d'advenir sur nos territoires. Donc il faut qu'on puisse s'organiser pour que demain, ben, on puisse vivre correctement sur nos territoires. Et la solution, ben, ce sont les autonomies, mais dans tous les domaines. L'autonomie énergétique, mais l'autonomie alimentaire. En France, le nombre de territoires qui ont une autonomie alimentaire de 24 heures, c'est effrayant. Vous coupez les routes, et puis vous videz les supermarchés, il n'y a plus rien à manger. Hein. Et donc c'est un des sujets sur lesquels on se penche, alors pas qu'au niveau communal évidemment, au niveau de la communauté de communes, mais aussi, et beaucoup, au niveau du pays Grand-Briançonnais. En fait, moi je suis quelqu'un de très en colère, depuis une trentaine d'années. Parce que je trouve que, quelque part, les attitudes, les pratiques qu'on a tous sont extrêmement destructrices. Et je trouve incroyable que l'humanité ne décide pas de changer de pratique. C'est un moment crucial. On sait, tout le monde le dit, dans les 10-20 prochaines années, c'est le moment où on va décider si l'humanité disparaît ou pas. Dans l'histoire de l'humanité, c'est un moment déterminant. Et moi, ça fait longtemps que ça me met dans une colère. Et finalement, d'agir, c'est mon antidépresseur. Donc là, ce que je fais dans mon quotidien, j'essaye d'agir le mieux que je peux à ma mesure, avec certainement des erreurs, des maladresses. Mais au moins, le fait d'être dans l'action me permet de mieux vivre mon quotidien. Et puis en plus, je vois que ça a des résultats. Donc c'est très rassurant. C'est qu'une histoire de volonté. Si les citoyens, le monde de l'entreprise et les élus décident, eh ben c'est fait. Le sommet à droite, c'est Montbrison. Et là, c'est les tenailles de Montbrison. Et derrière, c'est le parc des Écrins. On passe de l'autre côté, pop. Derrière ce sommet-là. Voilà, exactement. C'est beau. Oui, c'est beau. Moi, j'ai découvert cet endroit-là quand j'avais 18 ans. J'étais en stop. Et je suis vendéen d'origine, donc rien à voir. Hein. J'habitais pendant 18 ans à 150 mètres de l'océan Atlantique. À la Tranche-sur-Mer, à côté des Sables d'Olonne. Donc voilà. En tout cas, moi, j'ai découvert ici, ouais. J'allais en Grèce en stop, et à 18 ans, je suis passé par Briançon. Et quand j'ai vu cet endroit, j'ai dit, mais c'est là que j'ai envie de vivre. Et c'est ce qui s'est passé. À 19 ans, je me suis installé ici. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaisait dans le paysage, les gens? Au début, c'était essentiellement les paysages, hein, parce que c'est à la fois minéral, à la fois c'est brut, mais en même temps, des saisons extrêmement tranchées. Là, vous venez dans 15 jours, en face, c'est orange. Le mélèze, c'est un arbre qui est exceptionnel et qui donne des colorations de paysage incroyables. C'est un endroit qui est totalement préservé au niveau environnemental. Beaucoup de gens font le choix que j'ai fait de s'installer ici pour se mettre au vert, pour vivre dans un endroit préservé. Et c'est vrai que c'est le bonheur, hein. On a une vie ici qui est privilégiée, hein, ça c'est certain. Et justement, de là une responsabilité aussi. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on gâche cet endroit, et il faut petit à petit aussi qu'on expérimente des choses pour que ça puisse être transposé ailleurs. On a des atouts, il faut vraiment les préserver. Un conseil municipal dans une commune de notre taille, c'est 11 personnes. Et on a une réunion d'équipe par semaine, quasiment toute l'année. Voilà, mais après, il y a d'autres réunions. Ça, c'est uniquement le conseil municipal, mais chacun d'entre nous a des délégations. Donc, il y a des réunions concernant la station de ski, il y a des réunions concernant l'agriculture, il y a des réunions concernant tous les sujets de la commune. Et c'est vachement intéressant, parce que l'équipe a beaucoup évolué avec le temps. Les gens ont appris à se parler, à s'écouter, à se respecter, à accepter les avis divergents. Et justement, d'arriver à faire que tout le monde puisse donner un point de vue, même s'il ne correspond pas au point de vue général, eh ben ça, c'est vachement intéressant. Il y a des sujets où on n'est pas d'accord. Et justement, on cherche des consensus Et la plupart du temps, on en trouve. Parfois, ben non, on n'en trouve pas, mais on accepte. On accepte de pas toujours avoir raison. Pour moi, c'est une très très belle réussite, se faire ensemble avec des gens très différents et des caractères très différents aussi. Et alors, vous allez vous représenter en 2020 ? C'est des questions qu'on va se poser dans quelques temps. Hein. Bon, le pouvoir de faire, maintenant, on sait qu'on l'a, ça c'est sûr. On s'est rendu compte que oui, on avait énormément de capacité de faire sur un territoire. Après, je ne sais pas si on va repartir. Je vous avoue, je ne sais pas. Quand vous voyez sur les médias qu'il y a 1000 maires qui ont démissionné, qu'il y en a 50% qui ne vont pas se représenter... Quand vous voyez le quotidien des maires des petites communes rurales, mais c'est très impressionnant. Et d'ailleurs, il y a une hypocrisie totale en France. Hein. On veut que les maires soient responsables, compétents, disponibles et bénévoles. Et des compétences, je peux vous assurer qu'il en faut. Et j'ai vu en plus l'évolution en 10 ans. Hein. C'est de plus en plus complexe. Évident. Mais en plus, il faut faire du projet. Enfin, on a envie. En tout cas, moi, si je suis élu, c'est pour faire des projets. C'est pas pour gérer le quotidien. C'est pas pour gérer le quotidien. Ouais. Ah non, c'est justement pour se projeter dans l'avenir et travailler sur ces histoires de résilience. Oui. Moi, mes indemnités pour mes déplacements, etc., c'est 460 euros net. Une fois que j'ai enlevé ma retraite complémentaire, c'est 460 euros. Donc, on fait comment ? Automatiquement, les maires sont des retraités en France. Moi, je suis en disponibilité. Mais pour pouvoir. J'étais cadre de santé. Je suis cadre de santé en disponibilité. Donc, en fait, petit à petit, j'ai diminué mon activité professionnelle. Puis, très rapidement, j'ai vu que c'était totalement incompatible avec des fonctions d'élu. Matériellement, c'était impossible. Moi, je suis pris 4 soirs par semaine, à peu près. Et mes journées, c'est soit à la mairie, soit à la communauté de communes. À la communauté de communes, c'est des délégations importantes quand même, hein. C'est un budget de 5 millions d'euros sur les ordures ménagères, avec 35 personnes, avec des locaux, des camions. En fait, on gère plusieurs entreprises. Une entreprise ici à la mairie, une entreprise à la communauté de communes. Puis après, moi, je suis président du Pays Grand Briançonnais, donc c'est encore 7 personnes avec des missions très différentes. Donc j'ai, à un moment donné, j'ai fait un choix. J'ai mis un moment avant de choisir, hein, je peux vous dire. Hein. Parce que du coup, comme j'ai divisé mes revenus par deux, je cotise aussi en divisant par deux. Donc ça a des impacts pour mon avenir aussi. Hein. Donc c'est des choix pas anodins. Pendant 6 ans, vous êtes là, en responsabilité. Et donc moi, je suis cadre de santé. Donc tout ce qui concerne la santé publique, tout à l'heure on parlait de résilience, c'est des concepts de santé publique. Hein. L'empowerment, c'est un concept de santé publique. Comment redonner le pouvoir aux citoyens ? Nous, c'était comment redonner le pouvoir aux patients pour qu'ils se prennent en charge dans sa vie, dans sa santé. Donc ça, c'est des concepts de santé publique qu'on retrouve en tant qu'élu. Et mon métier, moi, de cadre de santé, ça semble un peu bizarre, mais j'ai la sensation de faire mon travail aujourd'hui. Je tente de prendre soin d'un territoire et d'une population. C'est mon métier, ça. Je fais du management, de la gestion de projet, de la gestion de conflits. C'est le quotidien du maire. Moi, en tant que cadre de santé, ce qui m'intéressait, et malheureusement c'était très compliqué, c'était de monter du projet. Et en fait, ce n'était pas possible. En milieu hospitalier, j'étais confronté régulièrement à des difficultés administratives pour monter du projet, alors que c'est ce qui m'intéressait. Là, en l'occurrence, j'ai cette capacité de m'exprimer et de réaliser un certain nombre de choses. On a un pouvoir qui est quand même très important en tant que maire. Donc on arrive à faire des choses. Oui, ça c'est certain. Merci déjà d'être venu pour nous aider sur ce chantier participatif. Pourquoi cette plantation ? Quand on fait le point sur la forêt de la réserve, tout comme beaucoup de forêts du Briançonnais, c'est une forêt de mélèzes. Le mélèze, normalement, est une espèce pionnière, c'est-à-dire qu'elle vient s'installer quand un versant est déboisé. C'est les premiers arbres qui commencent à s'installer et qui créent la forêt, ce sont les mélèzes. Normalement, cet arbre pionnier, une fois que la forêt s'est formée, il n'arrive pas à se ressemer sous lui-même et à faire des jeunes. Et donc nous, dans la réserve, on a fait le choix de... Pour la plantation des pins, des bénévoles venus de loin, des habitants du village, des salariés de la station de ski sont venus prêter main forte au transport des plants plus haut dans la réserve et à la plantation des pins dans la forêt de Mélèze. Au fil du temps, le Mélèze a colonisé toute la forêt, favorisé en cela par les habitants pour ses qualités. Mais aujourd'hui, il faut diversifier les essences du massif forestier pour favoriser la biodiversité, mais surtout pour accompagner la forêt vers une meilleure résilience face au changement climatique. L'habituer à la vie à plus 3 degrés. Cela alors que la vallée de Briançon a vu passer l'hiver dernier des centaines de migrants, dont certains sont sans doute des réfugiés climatiques. La plantation, mais voilà. L'opération, ça va être le portage et du matériel. Si on veut véritablement que la transition écologique se déploie, il faut évidemment faire de la transition démocratique. Parce qu'on ne va pas pouvoir faire sans les habitants. Il faut qu'ils soient complètement pris dedans. Pierre Leroy, maire du Puy-Saint-André. Qu'est-ce que c'est compliqué d'embarquer les gens pour faire ensemble. Ça, il y a des choses qui ont bougé, mais pas à la hauteur de ce que j'aurais souhaité. En France, il y a une vraie difficulté, et il y a une scission entre les citoyens, le monde de l'entreprise et les élus. Et c'est évident que la transition écologique, si on ne le fait pas ensemble, on n'y arrivera pas. Donc il faut que les citoyens se rendent compte, ils ont des droits, mais ils ont des devoirs. Dans ces territoires-là, il y a 50 ans, les gens étaient dans la souffrance, c'était des territoires très durs, on vivait ici dans la misère, quoi. Et il y avait les communs. Ils n'étaient pas toujours d'accord, hein, mais ils mettaient en commun un certain nombre de choses. Ils mettaient en commun les canaux d'arrosage, ils mettaient en commun... Il y avait un certain nombre d'activités, ils travaillaient sur les sentiers, les gens travaillaient ensemble. Aujourd'hui, il faut refaire démarrer ces histoires de communs. Est-ce que vous pensez que, justement, les citoyens ont, se sentent dépossédés de ce pouvoir-là d'initier des choses ? Je pense que les élus ont piqué la démocratie, et puis les citoyens étaient bien contents. Donc, quelque part, il y a eu une sorte d'arrangement mutuel. Les élus, c'est eux qui font, et puis les citoyens, ils regardent. Et puis, à la fin du mandat, ils sanctionnent ou pas. Donc, en fait, c'est un petit peu... Oui, c'est une caricature, mais j'ai vraiment, moi, cette impression-là. Et là, de revenir en disant « Non, c'est pas nous qui allons décider et faire. Vous allez participer à la décision, vous allez participer à la réalisation. » Bah, c'est un changement des règles du jeu qui, aujourd'hui, ça vient quand on voit les budgets participatifs. On en parle de plus en plus en France. Il y a plein de communes qui sont dans les budgets participatifs. Quand on voit le travail qui est fait sur les PLU, hein, là, vous avez la maquette du PLU sur lesquelles les habitants ont travaillé avec des Legos. Ils ont construit les lotissements de demain sur cette maquette. Donc, il y a des choses qui se font. Quand on fait participer les citoyens, on se protège un peu de la critique parce que le citoyen, il peut voir la complexité du sujet aussi. Et comme il est partie prenante, il peut ensuite moins le critiquer. C'est évident. C'est pour ça que c'est très pratique finalement. Il y a des élus qui ont peur de faire jouer à la citoyenneté. Mais c'est du billard, j'allais dire. Parce que justement, à partir du moment où on est tous ensemble pour décider, c'est beaucoup plus simple. C'est très confortable. C'est plus long, oui. Enfin, c'est plus long. Si après vous comptabilisez les recours... Quand vous ne faites pas participer la population, ça devient long. Hein. Et puis, ça représente du fric aussi. Hein. Donc, faire ensemble, c'est évident que c'est la solution. Mais faut-il arriver à ce que... Il faut que les élus acceptent de lâcher du pouvoir. Il faut que les citoyens acceptent de s'investir. Et donc, c'est ce rapprochement qui est très compliqué à mettre en œuvre. Ça nécessite des moyens aussi. Ça ne se fait pas comme ça. Les citoyens, il faut aussi les aider, les former, les accompagner. Parce que c'est encore une fois, de monter des projets, c'est de la technique aussi. Hein. Donc ça veut dire de la formation. Le PLU, c'est caractéristique. Le PLU, le plan local d'urbanisme, c'est un projet de territoire. Donc un projet, ça se construit avec les habitants. Ce n'est pas les élus qui décident cette affaire. Donc c'est ce que nous avons fait. En fait, quand on a fait la révision du PLU, on a fait 13 réunions publiques en 13 mois, une réunion par mois. Et on est allé chercher les gens, c'est pas toujours évident, mais on a quand même... Après, c'est jamais assez, mais on a eu entre 20 et 50 personnes aux réunions. Donc, pour un petit village de 480 habitants, c'était pas mal. Et qu'est-ce que vous vouliez leur faire à vos habitants lors de ces réunions ? On voulait que les habitants puissent nous dire leur village de demain. À tout point de vue, s'ils se projettent à 20 ans... C'est quoi qu'ils estiment absolument indispensable chez eux? En matière de construction, alors? Ah, mais pas que ça, tout. Dans le PLU, il y a tout, hein. Tous les équipements publics, tout. La vie des citoyens. Tous les aspects de l'énergie, de l'agriculture, de la station de ski, de la réserve des Partiades, des espaces communs, des jardins partagés, de l'habitat, de quel type d'habitat, des surfaces constructibles. Là, en l'occurrence, on est passé quand même de 14 à 4 hectares constructibles, entre l'ancien et le nouveau PLU. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà le Grenelle, puis la loi Allure, l'objectif, c'est de se projeter dans l'avenir. Et donc, grâce à ces lois, on prend la mesure du fait qu'on est en train de bouffer tout le foncier. Le foncier agricole, le foncier naturel, et que c'est pas tenable. Donc ça, il a fallu expliquer aux habitants. Donc ça veut dire de la formation. Donc en quelque sorte, on a formé les gens. Et puis après, les gens, ils ont compris. Donc, l'État, de toute façon, contraint toutes les collectivités sur les surfaces constructibles. Ça ne nous a pas posé problème, parce qu'on a compris pourquoi. Les habitants ont compris pourquoi. Donc, c'est évident qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce que ça veut dire qu'ils ont rendu des terres qui étaient constructibles, qui leur appartenaient, donc qui avaient une valeur, et qui, d'un coup, n'en a plus. Oui. On en a plus, on en a beaucoup moins. On en a une autre, en tout cas, beaucoup moins financièrement, mais une autre valeur agricole, une autre valeur environnementale. Et c'est ça qu'il faut petit à petit. Mais nous aussi, on se forme à ça. On découvre, on apprend. Hein. Donc, une fois que les surfaces constructibles ont été définies, après, les habitants ont décidé des secteurs constructibles. Où est-ce que, dans les hameaux, on va construire ? Une fois qu'ils ont décidé des secteurs constructibles, eh ben, on a fait faire les maquettes. Donc là, devant les yeux, vous avez un secteur constructible. Voilà. Et donc, sur ce secteur, on leur a donné des Legos, on leur a donné du sparadrap de couleur, et on leur a dit, dans la soirée, il faut que vous construisiez ce secteur. En sachant qu'attention, hein, sur ce secteur, il faut 28 logements. Si vous faites que des maisons individuelles, ça ne va pas rentrer. Hein. Donc, il va falloir que vous trouviez des solutions pour qu'il y ait, si vous le souhaitez, des maisons individuelles, mais pas uniquement. Donc, vous pouvez faire une barre de 10 étages. C'est pas sûr que ça soit bien non plus. Donc, à vous de travailler. Donc, ils avaient des Legos qui correspondaient à peu près à un niveau d'habitation. Mais donc, ça veut dire que le village, il manque de logements. Ah ben, il y a des demandes, oui, c'est évident. Il y a des demandes d'installation sur le village, il y a une population qui augmente, mais après, c'est des choix aussi, justement, c'est des choix des habitants. Est-ce qu'ils veulent qu'il y ait une augmentation énorme du nombre d'habitants ? Ou est-ce qu'ils veulent qu'on reste comme ça, pas plus d'habitants ? Ça veut dire pas de surface constructible, si on veut pas plus d'habitants. Ou alors un petit peu plus, mais combien plus, etc. Donc ça c'est plus, des vrais... Combien plus, c'est ces fameux 4 hectares qui sont prévus pour une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de spéculation foncière sur du foncier constructible. Si vous avez un terrain constructible, soit vous construisez dessus, soit vous le vendez pour qu'il soit construit, soit dans 10 ans, il peut revenir à l'agricole. Donc on fait de la densification, c'est-à-dire qu'on construit à proximité de l'existant. Donc il n'est pas question de mettre une maison dans la cambrousse, hein. Aujourd'hui, une maison comme ça, en plein milieu de 2000 m², c'est fini. Ça n'existe plus, ça s'est terminé. Hein. Donc ça aussi, il faut que dans les mentalités, les choses, elles évoluent. C'est l'intérêt de la loi, c'est l'intérêt du relais de la loi par les collectivités à travers des outils d'aménagement tels que les PLU. Et donc là, ça a bien fonctionné, cette concertation avec les habitants. C'était parfait. Parce et le résultat vous a convenu? Ah ben nous, finalement, les élus, on a... Alors, il y a des élus qui ont participé aux tables rondes. Hein. Moi, personnellement, très peu. J'ai observé, j'étais un peu à l'écart et j'ai regardé un peu les gens travailler. Il y a des secteurs où ça a été assez simple. Il y a des secteurs où, où c'était plus compliqué au niveau des enjeux, donc ça a un peu plus, discuté. Mais moi, j'étais très impressionné de la sérénité des discussions, de la facilité de construire cet outil. Moi, j'étais très surpris. Hein. Ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est que pendant un an, on a parlé d'intérêt collectif. Et ça, jamais j'aurais imaginé ça. C'est-à-dire que les intérêts privés sont arrivés, mais au bout d'un an. Il y a des gens qui nous ont dit, est-ce qu'on peut exprimer des intérêts personnels? Ben, évidemment, vous avez le droit, c'est fait pour ça. Mais c'est arrivé très tardivement. Pendant un an, ils ont travaillé sur les cônes de visibilité. Qu'est-ce qui est joli dans notre village? Au-dessus de l'église, ça serait quand même dommage de construire là, parce que franchement, il y a un espace là qui est superbe avec des jardins. Voilà, ils ont discuté des intérêts. On a fait des déambulations aussi dans le village à pied avec les gens pour observer, regarder avec un regard un peu différent du regard qu'on a habituellement. Et ça, moi, j'ai trouvé ça passionnant, vachement intéressant. Hein. C'est le bas de la commune. Donc là, il y a une zone d'activité avec 12 entreprises. Donc dans la vallée? Tout en bas, oui. Là, il y a la nationale qui va de Briançon à Gap. Ici, on a le 250 habitants. Donc ça, c'est le Clos du Vas, c'est un lotissement qui a 45 ans. Et ça, c'est Pierrefeu, c'est le village ancien d'en bas. Et puis là, vous avez des chemins qui montent ici, au chef-lieu. Donc là, c'est là où on est. On est ici, nous, dans ce bâtiment. Il y a le petit hameau dont je parlais tout à l'heure, Puchalvin, qui a une quarantaine d'habitants. Et puis après, quand on continue, on arrive ici, au Combe, chalet d'alpage. Et puis l'autre carte, en fait, c'est là où c'est impressionnant, parce que ça... C'est la suite de la commune. Donc, tout ça, c'est les alpages. C'est la montagne. Eh oui. Mais la commune, les 3000 mètres, c'est là. En fait, entre le bas et le haut de la commune, toute cette partie n'est pas habitée, il n'y a pas une seule maison. On y skie, là ? Alors non, parce que c'est une réserve qui a été créée pour empêcher l'extension de la station de ski. Et c'est un lieu d'alpage. Donc en fait, il y a des vaches, il y a des moutons qui transitent sur ce secteur. Parce qu'il y a quand même des agriculteurs sur la commune. Ah oui, bien sûr, et on en a réinstallé, oui. On a réinstallé des agriculteurs, justement, quand on parlait de l'autonomie alimentaire, c'est des sujets importants sur lesquels il faut qu'on avance, quoi. Donc ensuite, ces cartes-là, là, vous allez voir, c'est impressionnant. En fait, la solution des territoires, c'est le foncier. C'est que si on veut monter du projet... Il faut arriver à maîtriser du foncier. Ça, c'est déterminant dans les communes. Et ça, chaque commune a son histoire par rapport au foncier. Nous, on a une histoire vraisemblablement particulière. Parce que sous les yeux, vous avez une carte des biens présumés vacants, sans titre ni maître. C'est-à-dire toutes les taches vertes, là ? Oui. Non. C'est énorme. Les taches vertes et les taches rouges sont des biens pour lesquels il n'y a plus de propriétaire. Donc, alors ce sont les biens présumés, mais quand on fait travailler un juriste sur ces biens présumés, il y en a 95% qui s'avèrent être réellement des biens vacants. Donc il y a eu plusieurs textes qui ont été produits qui permettent aux communes de récupérer les biens. Donc en fait, on a travaillé sur cette affaire à très grande échelle. Alors déjà pour répondre à la première question, comment se fait-il qu'il y en a autant ? On s'est posé la question aussi. Et en fait, ce village a été détruit en 1927. Le 8 octobre 1927, sur 85 maisons, il y en a 80 qui ont disparu, détruites. C'était assez classique dans le Briançonnais, des incendies majeurs dans les villages. Et là, en l'occurrence, ça a été le cas. Ce qui fait que tout le monde est parti. Et donc, le village a été abandonné. Et petit à petit, le village a été de nouveau reconstruit. Mais on pense que c'est une des raisons qui explique cette proportion très importante de biens vacants. Là, récemment, ça doit être 18 hectares que la commune a récupéré deux biens vacants. Et vous voulez en faire quoi ? Alors, là, il y a de tout. Il y a des terres agricoles, où on installe des agriculteurs. Il y a un secteur où au PLU, celui-là, au PLU, les gens ont dit c'est le sacré joli coin. Pas touche. On veut que cet espace soit préservé. Où ça ? Toute cette forêt-là. Donc dans la vallée ? Ouais. Donc là, les gens ont dit c'est un lieu pour nous qui est important. On n'a pas envie qu'il soit construit. Ok. Non, bon, on va refaire, mais ce que je vais faire, je vais faire une petite démonstration de plantation. Donc on va essayer de planter les pins donc, dans le mélésin, mais dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire avec le plus de lumière possible, éviter les pieds d'arbres et les pieds de rochers où c'est plus difficile à planter, ou si le plant est un peu abrité et donc il risque d'être plus au sec. Donc vous allez décaper un carré de 40 cm de côté. Alors, en principe, il y a un tapis végétal. Donc c'est décoller le tapis végétal et bien faire un joli bourrelet. Voilà. Donc plus profond possible pour ameublir la terre le mieux possible. Vous voyez que c'est assez sec hein, quand même. Hein. Donc ensuite, penchez un peu la caisse pour essayer de retirer délicatement votre plant là. Voilà. Je remets la terre. Et puis donc dans la pente, donc bien essayer de ramener le tapis herbacé en aval pour retenir les eaux de pluie. Et ben voilà, au travail. Il y a moins de monde pour nous aider à ramasser le tapis. Parlez, c'est madame Philippe. Et comment tu voulais que je dise déjà ? Eh ben nous on était désignés d'office, comme à l'armée. On est bien là. Le Puy Saint-André appartient à la fois à une communauté de communes et à un groupement de communautés de communes baptisé Pays Grand Briançonnais. Ces communautés fonctionnent bien. Elle regroupe des maires de tous bords politiques. Les discussions peuvent y être vives, mais tout le monde se parle, s'écoute, se respecte et les projets avancent. Pour Pierre Leroy, si on reste dans des fonctionnements trop clivés dans les territoires, trop concurrentiels entre les communes, on n'avance pas. Il s'appuie pour ses projets sur des financements régionaux, nationaux, européens, qui le conduisent à produire des dossiers très fournis dès que l'occasion se présente. Il est à l'affût du moindre appel à projet. Quand je me suis retrouvé maire, j'ai été vice-président de la communauté de communes en charge de tout ce qui est environnement et donc en charge des déchets. Moi, j'étais un citoyen lambda. Même si c'est un sujet qui m'intéressait, j'ai commencé à fouiller, chercher, essayer de comprendre comment fonctionnait cette délégation, parce qu'on avait une délégation de services publics auprès d'un prestataire bien connu. Et donc, là, en l'occurrence, oui, c'était Veolia. Et donc, j'ai voulu comprendre le contrat et j'ai vu un certain nombre d'irrégularités, on va dire. Donc, ça a été une première lettre commandée, puis une deuxième, jusqu'au jour où on s'est posé la question de la pertinence d'une délégation de services publics concernant les déchets. C'était quoi, par exemple, ces irrégularités ? C'était des erreurs de facturation, on va dire. C'est-à-dire qu'on nous envoyait des factures qui étaient indues. On ne devait pas payer ces factures. Il y a eu aussi des aléas quant à la collecte. Souvent, en France d'ailleurs, on l'entend. Que ça sert à rien de trier parce qu'après ils mélangent tout. En général, c'est pas vrai. Mais là, il se trouve que c'est arrivé. Vous l'avez vu. Voilà. De toute façon, là, notre prestataire, c'est compréhensible. Il était payé au tonnage. Donc, automatiquement, ça n'incite pas à mettre en place des solutions de tri. Parce que plus il y a de tonnage, plus il est payé. Oui, mais c'est logique. Il est payé pour le tri aussi. Oui, mais il est surtout payé pour le tonnage des ordures ménagères résiduelles. Parce que ces ordures ménagères résiduelles sont collectées, transporté, puis traité. Alors que ce qui est trié est collecté, transportée, recyclée, et on nous paye. Donc, automatiquement, il y a un différentiel. Ah ben oui, c'est compréhensible, c'est de bonne guerre. Et comme toutes les délégations de services publics, le rôle des élus, une fois qu'on a passé une délégation de services publics, donc on a confié à une entreprise privée la gestion de n'importe quel service, ça ne nous dédouane pas de contrôler cette prestation. C'est même plus que obligatoire pour voir justement comment ça se passe et pour aider à ce que ça se passe mieux. Donc on a fait travailler un bureau d'études qui a analysé la qualité et le financement de cette prestation. Et là, en l'occurrence, c'était très clair. Le bureau d'études nous a conseillé de partir en régie, c'est-à-dire de reprendre en service public direct la gestion de nos déchets. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et tous les maires ont été d'accord? Ah oui, l'ensemble des élus communautaires, c'est pas les maires, ce sont les élus communautaires qui en décident. À l'époque, il y avait une quarantaine d'élus communautaires, ont voté à l'unanimité le fait de, à l'issue du contrat, de récupérer la collecte des déchets. Créer une régie, parce que là, en l'occurrence, c'était une régie de collecte des ordures ménagères, ça se fait pas en claquant des doigts, parce qu'en effet, il faut acheter des camions, il faut embaucher, là, en l'occurrence, on a embauché 35 personnes, il faut avoir des locaux. Donc ça a été, je vous cache pas, un travail considérable qui a été fait par la collectivité, par les techniciens et moi-même, pendant un an et demi. Voilà. À l'époque, nous avions 12 000 tonnes d'ordures ménagères résiduelles, 12 230 tonnes exactement. Aujourd'hui, nous avons 8 000 tonnes d'ordures ménagères résiduelles. Donc on a baissé de 30% le tonnage d'ordures ménagères résiduelles sur le territoire. 30% de baisse de tonnage, je peux vous dire, c'est 30% de déchets en moins qui font 110 km pour être transportés, pour être mis en décharge. C'est des centaines de poids lourds qui ne sont pas sur la nationale. Et comment vous avez fait alors ? D'une part, on s'est séparé de notre prestataire. Peut-être que ça a eu un effet sur les tonnages, mais ça, je ne peux pas l'affirmer précisément. Voilà. Ensuite, on a mis en place la redevance spéciale, qui est une loi. Parce qu'en fait, les collectivités, ce qu'il faut savoir, c'est que les collectivités sont responsables des ordures ménagères. Ce sont les ordures des ménages. Des familles. Oui. En aucun cas, les collectivités ne portent la responsabilité des ordures des entreprises et des administrations. Donc les collectivités pourraient, dans l'absolu, très bien dire « vos poubelles, vous vous en débrouillez ». Dans la réalité, les collectivités ont pris ça à leur charge. Et donc le législateur a dit « Ok, vous prenez ça à votre charge, très bien, mais il faut que les entreprises et les administrations payent le véritable coût de cette affaire ». C'est-à-dire qu'avant, elles payaient selon un mode de calcul qui était le même que pour les familles. Exactement. Et qui n'avait rien à voir avec la quantité de déchets qu'elles produisaient. Évidemment. Et ça, c'est l'usager ou le contribuable qui paye. Donc c'est pour ça que le législateur a délibéré, ça fait plus de 20 ans, pour que les collectivités qui gèrent les déchets, qui en ont la compétence, mettent en place la redevance spéciale. Il se trouve qu'en France, il y a très peu, on est loin de la majorité des collectivités qui ont mis en place cette redevance. Ça veut dire que les maires ont un outil là, et qu'ils ne l'utilisent pas? Tout à fait. Mais pourquoi? Parce que c'est pas facile d'aller voir les entreprises et leur dire désolé, mais maintenant vous n'allez pas payer une taxe dans les ordures ménagères, vous allez payer une redevance spéciale qui correspond au tonnage réel de ce que vous produisez. C'est pas facile du tout. C'est-à-dire que vous vous êtes fait. On a sollicité plus de 1500 entreprises du territoire en leur disant désormais on va mesurer précisément ce que vous produisez comme déchets. Là j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, il y a un chef d'entreprise qui m'a dit mais à cause de vous on va licencier du personnel. Parce que c'était tellement élevé ce que vous avez ça peut monter, suivant l'entreprise, suivant sa production de déchets, ça peut monter à 50 000 euros, 60 000 euros, 100 000 euros pour des entreprises qui payaient 5 000 euros de taxes dans les ordures ménagères. Donc ça change du tout au tout. Donc là, c'est l'intérêt aussi de faire preuve de pédagogie en disant « Mais nous, on n'a aucun intérêt à ce que vous payez. » En fait, si vous payez, c'est que vous produisez des déchets. Si vous produisez moins de déchets, vous allez moins payer. Nous, ça nous arrange. Donc cette entreprise, on leur a dit « On vous donne 4 mois. Travaillez sur votre production de déchets, essayez de trouver des solutions. On peut vous accompagner, on sait que ce n'est pas facile. Mais travaillez avec vos employés pour baisser vos tonnages. » Et en 4 mois, ils sont passés de 60 000 euros à 24 000 euros de tonnage de déchets. Et aujourd'hui, cette entreprise, il ne lui restait plus que du déchet alimentaire. Elle a investi, donc elle a quand même dépensé de l'argent. Il y a eu des efforts conséquents qui ont été faits. Hein. Elle a acheté un biodigesteur. Et aujourd'hui, ils ne produisent plus de déchets. La redevance spéciale est à zéro. Il faut qu'on donne les possibilités aux gens de changer de pratique. Les décharges, elles ont une durée de vie. Hein. C'est des décharges enterrées, enfin c'est... Oui, c'est enfoui. Enfoui. De toute façon, en France, c'est soit l'incinérateur, soit l'enfouissement. Donc là, en l'occurrence, elles sont enfouies. Donc on a intérêt à avoir le moins de tonnage possible pour faire durer ces centres d'enfouissement, évidemment, le plus longtemps possible. L'idéal, c'est qu'un jour, on n'ait plus de déchets, que tout soit recyclé. Donc ça fait longtemps qu'on distribue des composteurs individuels. Donc les gens qui ont un jardin, ils peuvent avoir leur composteur ou leur poule pour pouvoir avoir le moins de déchets fermentés cibles, c'est 30% du tonnage. Imaginez qu'on met de la bouffe dans une décharge, on paye 250 euros la tonne. C'est complètement fou. Alors que ça peut être de l'humus, alors que c'est, ça bien peut sûr, être de l'engrais. C'est une matière première, et on va payer pour la jeter. Enfin, on est fou. Donc là, on distribue ces composteurs individuels, et donc là, on a distribué des composteurs collectifs de quartier. Et ça fonctionne très, très, très bien. Là, les gens sont ravis parce qu'ils peuvent déposer leurs déchets à quelques dizaines, centaines de mètres de chez eux. Et après, ça produit du compost qui va être utilisé là, dans les premiers temps dans les services techniques pour les espaces verts, etc. Mais à terme, qui pourra très bien être utilisé par les habitants s'ils ont des besoins de compost. L'écologie, c'est de l'argent aussi, hein. Tous les efforts environnementaux qui peuvent être faits, derrière, ça a une valeur pécuniaire qui n'est pas anodine, hein. Parce que là, sur les ordures ménagères, pour en revenir à ça, 4000 tonnes en moins, 250 euros la tonne, 1 million d'euros. Comme Pierre Leroy, partout sur le territoire, des maires revendiquent leur pouvoir de faire. Ils imaginent des solutions, rêvent leur ville avec les habitants, impulsent la participation citoyenne. Ils se sont déjà saisis, à l'échelle de leur cité, des grands enjeux liés à l'effondrement planétaire. Ils accompagnent les habitants dans le changement des habitudes en matière de mobilité, d'alimentation, d'énergie. Ils sont déjà dans une démarche avancée de transition écologique et démocratique. Donc qu'est-ce que c'est que ça qui est affiché dans le couloir là, juste à côté de votre bureau ? Alors ça, c'est la charte des escartons. Elle date du 26 novembre 1341. Sur ce territoire, il y a 5 cantons qu'on appelle des escartons, 3 Français, 2 Italiens, qui se sont associés et qui ont racheté leurs droits au roi. C'est-à-dire que ces 5 cantons ont réussi à recouvrer leur liberté. Donc ils battaient monnaie, il y avait un tribunal, il y avait une autonomie locale. Donc c'était vraiment l'autonomie choisie. Ce n'est pas le repli sur soi, c'est arriver à faire ensemble sur un territoire, après un territoire à définir. Hein. Donc ça, je trouve ça intéressant. Mais il y a autre chose. Il est écrit dans cette charte, quand un de nos territoires s'effondre, donc un des 5, les autres sont là pour le relever. Et donc ça montre bien cette volonté justement de mutualiser, de se soutenir, quoi. Et je trouve que c'est déterminant là dans l'histoire de la transition écologique, comment arriver à se soutenir, faire ensemble. Tous les territoires n'ont pas les mêmes potentiels, donc il faut se donner la main pour qu'on puisse avancer. Moi, je trouve ça incroyable, ce truc, quoi. Et il y avait une organisation sociale, une organisation démocratique qui s'est créée sur ce territoire jusqu'en 1789, où là, pour le coup, tout le monde a vécu la même chose que les escartons. Le Puy-Saint-André, un maire dans la transition écologique. Une émission de Martine Abad, réalisée par Assia Khalid pour la série documentaire. Merci à Pierre Leroy, Manon Godeferno, Jackie Houdouin, Vanessa Fine. Prise de son, Benjamin Chauvin. Mixage, Claire Levasseur. Coordination, Perrine Kervran. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier.